Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à la mission internationale Jésus qui guérit, branche d'Abelimpe avec Pasteur Sam. Pasteur Sam est un Ghanéen avec un cœur pour les francophones. Il a été envoyé par l'épiscopal Sœur Simone Pierre, pasteur principal de la mission internationale Jésus qui guérit, commencer la branche d'Abelimpe où Dieu l'utilise puissamment pour inspirer, encourager et apporter la guérison au corps, âme et esprit de beaucoup de jeunes gens par ses enseignements oints et pratiques. Vous êtes sur le point d'écouter un enseignement qui donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Pasteur Sam. Oh, as the Holy Spirit, Oh, pray for the Holy Spirit. Demande le Saint-Esprit. Kalamambro sele bebe le bebe. Itele bebe le bebe. Kebebe le bebe. Kebebe le bebe. Kebebe le bebe. Oh, Holy Spirit, come and take control. Come and lead us. Come and fill us. Alembo sele be. Kelebo sele be. Kelebo. Ikelebo sele mama. Kele shambro sele ba. La mama la mama. Kalamambro sele mama la mama. Alembro sele bebe kele mama la mama kama mama la mama kama mama la mama ele mama la mama kama mama la mama kama mama la mama kama mama la mama kama mama la mama alembro sele mama la mama kama mama la mama la mama tele mama la mama la mama la mama ekele mama la mama kama mama la mama kama mama la mama kama mama la mama kama mama la mama etele mambro sele mama la mama kama mama la mama. Oh, lift up your hands and pray. Bro selema, kalambro selema. Elema bro selema, kalambro selema. Oh, close your eyes and concentrate, bro selema. Ferme les yeux, concentre-toi. Elema bro selema, kemebelebebe. Ah, if you are seated, stand up, bro telema, kalambro. And lift up your hands in obedience to the Holy Spirit. Ya kele bro sele mama kalamro sele mama kalamambro sele mele mele yetele mambro sele mama la mama kamama la mama kamama la mama kamama la mama ale bro sele mama kala shambro sele mama la mama ekele mama la mama kamama la mama kamama la mama kamama la mama antele mambro sele mama la mama kamama la mama kamama la mama ele mambro sele mele mele mele keme mele mele keme mele mele keme mele mele. Oh, pray for the Holy Spirit. Pray for the Holy Spirit. The Holy Spirit to strengthen you. Oh, the Holy Spirit to comfort you. Tonight to comfort you. Bro, sele mama, lekele mambo. Yekele mambo, sele mama, kele shambro, sele mama la mama, kala shambo. Alembo selebe kelebro selebe kelebo sele mama kele mambro sele mama la mama e kele mambro sele mebe keme mebe keme mebe keme mebe e kele mambro sele mama la mama kala mambro sele mama la mama kama mama la mama antele bro sele mebe keme mebe keme mebe e kele mambro sele mama kala shambro sele mama la mama e kele mama la mama kama mama la mama kama mama la mama kama mama la mama kama mama la mama. Ikele mambro sele mama la mama kama mama la mama kama mama la mama kama mama la mama. Oh lembro sele mama la mama kala shambro sele mama la mama ekele mambro sele mama la mama kama mama sele mama kale shambo Je veux chanter un chant d'amour. Oh mon sauveur, oh toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Oh, tu es si précieux. Jésus, mon sauveur, je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour. Pour mon sauveur, pour mon sauveur, pour toi, Jésus, pour toi, Jésus. Oh, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Oh, tu es si précieux. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur. Oh, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je veux être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, dans tes bras. Dans tes bras. D'amour. Oh, dans tes bras. Dans tes bras. D'amour. Dans tes bras. t'adorons et nous t'adorons. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Oh, je ne veux pas être ailleurs dans tes bras que dans tes Spirit to be here. We give you the glory. Have mercy on us. Have mercy on us. And come and lead us. Come and bless us tonight. In the name of Jesus. And everyone say amen. Hallelujah. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. I'm happy to be here. Je suis content d'être là. Hallelujah. And I want you to welcome your neighbor. Je veux que tu souhaites la bienvenue à ton voisin. Welcome your neighbor. Souhaite la bienvenue à ton voisin. Alléluia. Amen. But ask your neighbor whether you are a real Christian. Demande à ton voisin, es-tu un vrai chrétien? Are you real? Es-tu réel? Or you are not real? Alléluia. Amen. Amen. Amen. Yeah. You know, one of the things that makes you a real Christian. L'une des choses qui fait que tu sois un vrai chrétien. After being born again. Après être né de nouveau. Yeah, so obviously is to bear fruit. C'est porter du fruit. Hallelujah. Amen. Yeah, we see your fruits. On voit tes fruits. Amen. Whose phone is that? Hallelujah. Obviously, is to bear fruit. C'est évidemment porter du fruit. Hallelujah. Yeah, but one of the things that help. L'une des choses. There are a lot of helping things. Il y a beaucoup de choses qui aident. Hallelujah. Amen. There are a lot of things that you need to do to be able to get to a place where you are very fruitful. Il y a beaucoup de choses à faire pour que tu puisses porter du fruit. Hallelujah. Yeah, and one of them is getting close to God. Et l'une d'entre elles, c'est de rapprocher de Dieu. Hallelujah. Amen. Getting close to God. De rapprocher de Dieu. Being a friend of God. Être l'ami de Dieu. Hallelujah. Amen. Yeah, for you to be a friend of somebody, et pour être l'ami de quelqu'un, you must be communicating all the time. Vous devez communiquer à chaque fois. Hallelujah. Yeah, your friend is the person that you talk to all the time. Ton ami c'est la personne à laquelle tu parles à tout moment. True or not true? Vrai ou faux? Yeah. Talk with the person all the time. You get up in the morning, talk with the person. Tu parles avec la personne à tout moment. You are going to town, you call the person, let's go. Quand tu vas en ville, tu appelles la personne pour vous aller ensemble. You are going to sleep, you tell the person I'm going to sleep. Quand tu vas dormir, tu dis à la personne je m'en vais me coucher. You are sick, you tell the person you are sick. Si tu es malade, tu dis à la personne je suis malade. You are hungry, you tell the person I'm hungry. Si tu as faim, tu dis à la personne que tu as faim. Sometimes you fight once a while. Vous chamaillez de temps en temps. And you come back. Et vous vous réconciliez encore. Hallelujah. Can you find yourself in that? Peux-tu te retrouver? Can you find yourself? Peux-tu te retrouver? You see yourself in what I'm saying. You see yourself in what I'm saying. Est-ce que tu te vois dans ce que je dis? Hallelujah. Yeah, but when you become a Christian, mais quand tu deviens chrétien, there's one of the most important relationships that you need to develop. C'est l'une des plus importantes relations que tu dois développer. Hallelujah. Amen. One of the most important relationships you need to develop. L'une des plus importantes relations à développer is the relationship with God. C'est la relation avec Dieu. And that's one of the principal things. C'est l'une des principales choses. That will make you a fruitful Christian. Tu seras de toi un chrétien qui porte du fruit. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So for 15 minutes, just to tell you, just to show you. Donc pour 15 minutes, juste pour vous montrer. 7 things that will happen when you have a relationship with God. 7 choses qui vont arriver quand tu as une relation avec Dieu. Hallelujah. And the relationship we have with God, et la relation que tu as avec Dieu, is what we call quiet time. C'est ce qu'on appelle le temps de recueillement. Hallelujah. Amen. Quiet time. Le temps de recueillement. Quiet time. Le temps de recueillement. And that's what a lot of people call meditation. C'est ce que plusieurs personnes appellent la méditation. Hallelujah. Amen. Quiet time. Le temps de recueillement. Amen. Amen. That's when you meet God. C'est là où tu rencontres Dieu. And God speak to you. Et Dieu te parle. And you also can speak to him. Et tu peux aussi lui parler. Hallelujah. Amen. He will speak to you through his word. Il va te parler à travers sa parole. And you will speak to him through your prayer. Et tu vas lui parler à travers ta prière. Hallelujah. Amen. So during this time, donc durant ces moments, there are 7 things that happens to you. Il y a 7 choses qui se passent. Hallelujah. And I'm going to try for this month, for the next Thursday, the few Thursdays that we have in June. Et je vais essayer pour les jeudis que nous avons en juin. Hallelujah, by the grace of God. Par la grâce de Dieu. Teach you how to have your quiet time. De vous enseigner comment avoir un temps de recueillement. Hallelujah. Amen. You know, surprisingly. Étonnamment. Sunday, 2 people came to ask me how to have a quiet time. Dimanche, 2 personnes sont venues me demander comment avoir son temps de recueillement. Yeah, I was surprised. J'étais surpris. I wanted to teach everyone. Donc, je veux enseigner tout le monde. Hallelujah. You're not translating well. I said, I was surprised so because I wanted to teach that for this man. J'étais étonné parce que c'est ce que je voulais enseigner ce mois. Yeah, so listen well. Listen well. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah, so just tonight, just to tell you what happens. Donc ce soir, je vais vous dire ce qui se passe. When you have your quiet time. Quand vous avez votre temps de recueillement. During your quiet time. Durant ton temps de recueillement. You develop the most important relationship for your life. Tu développes la relation la plus importante de ta vie. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. The relationship with your wife is not the most important relationship. Ta relation avec ta femme n'est pas la relation la plus importante. The relationship with your beloved is not the most important relationship. La relation avec ton bien-aimé n'est pas la relation la plus importante. And that the relationship that we neglect most. Et c'est la relation que nous négligeons le plus. We neglect the most important relationship that we need to have. Nous négligeons la plus importante relation que nous devons avoir. Yeah. Yeah. If you are in a relationship. Si tu es en relation. With somebody you want to marry. Avec quelqu'un avec qui tu veux te marier. And a person doesn't call you one day. Et la personne ne t'appelle pas durant un jour. Two days. Deux jours. Three days. Trois jours. What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? 1 week. Une semaine. What will happen? Qu'est-ce qui va se passer? How will you react? Comment vas-tu réagir? You will be angry. Tu seras fâché. You will block the number. Tu vas bloquer le numéro. You will fight. Tu vas te battre. You will talk. Tu vas parler. You will be angry. Tu seras en colère. You will be offended. Tu seras offensé. Yeah. If God decides to be angry with us, si Dieu décide de se fâcher contre nous, because you haven't talked to him one day, parce que nous n'avons pas parlé durant un jour, where will you stand? Où seras-tu? Tonight, I want you to know that the most important relationship, ce soir, je veux que tu saches que la relation la plus importante, is your relationship with God. C'est ta relation avec Dieu. And during your quiet time, et durant ton temps de recueillement, you will develop that. Tu vas développer cela. As you meet every day. Alors que vous rencontrez tous les jours. As you wait on him every day. Alors que tu t'attends à lui tous les jours. As you meditate every day. Alors que tu médites tous les jours. You develop that relationship. Tu développes cette relation. Today, tonight. Cette nuit. You have to know that. Tu dois savoir. Your relationship with your friend. Que ta relation avec ton ami is not the most important relationship. N'est pas la relation la plus importante. Are you here? Êtes-vous là? The relationship with my wife is not the most important relationship. Ma relation avec ma femme n'est pas la relation la plus importante. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. When you have a good relationship with God, quand tu as une bonne relation avec Dieu, you see that all the other relationships that you have will have they will be good. Tu vas voir que toutes les autres relations seront bien. You cannot have a good relationship with God and your other relationships are not good. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu et tes autres relations vont être mauvaises. You can't have a good relationship with God and you are fighting. You'll be fighting with your beloved all the time. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu et tu vas te chamailler avec ton bien-aimé tout le temps. Most of us, we don't have good relationship with our friends. We don't have good relationship with our beloved because we don't have good relationship with God. La plupart d'entre nous n'avons pas de bonnes relations avec nos amis et nos bien-aimés parce que nous n'avons pas de bonnes relations avec Dieu. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. So it's most important. Donc c'est le plus important. Don't forget, most important. As you get up in the morning. Alors que tu te lèves le matin. The person you need to talk to first is God. La personne à qui tu dois parler premièrement c'est Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We all often say that you need to meet God first before you meet the devil. Parfois on dit tu dois rencontrer Dieu premièrement avant de rencontrer le diable. Yeah, because the devil is in this world. So parce when you get up in the morning, donc, the first person you need to meet is God. Parce que le diable est dans ce monde. Donc quand tu te lèves le matin, la première personne à rencontrer c'est Dieu. Before you leave the house, you meet God first. Avant de quitter la maison, tu as besoin de Dieu premièrement. And so as you go into the world, donc quand tu vas dans le monde, God will guide you how to meet the world. Dieu va te guider. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah. So during your quiet time, you develop the most important relationship. Donc, durant ton temps de recueillement, tu développes la relation la plus importante. Hallelujah. Are you here? And the second thing, I'll finish right now in 10 minutes. Don't worry. During your quiet time, you develop the most important personal habit of all time. Et durant le temps de recueillement, tu développes l'habitude la plus importante. Hallelujah. Amen. That habit is your regular time with God. Cette habitude, c'est ton temps régulier avec Dieu. Hallelujah. We have a lot of habits in this life. Nous avons beaucoup d'habitudes dans cette vie. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Brushing your teeth. De brosser les dents. I hope all of you brush your teeth today. J'espère que vous tous vous êtes brossé les dents aujourd'hui. Bathing. Se laver. Some people can say 3 days without bathing. Certains peuvent faire 3 jours sans se laver. Yeah. It's a habit, habits. Une habitude. Yeah, habit. Something that habit is something that you do without thinking. Une habitude, c'est quelque chose que tu fais sans réfléchir. Yeah. People have bad habits. Certaines personnes ont des mauvaises habitudes. Yeah. That's why when you are doing something bad all the time. Voilà pourquoi quand tu fais quelque chose de mauvais à chaque fois. You have to be careful. Tu dois faire attention. Because with time, you realize that you'll be doing the same thing naturally without thinking. Parce qu'avec le temps, tu vas te rendre que tu vas faire la même chose naturellement sans réfléchir. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. But one of the most important habit that we need is our time with God. Et l'une des habitudes les plus importantes, c'est notre temps avec Dieu. And as you have your quiet time, et alors que c'est ton temps de recueillement, you develop that habit. Tu vas développer cette habitude. And it will completely change your life. Et ça va complètement changer ta vie. Are you here? Êtes-vous là? During your quiet time, the third thing, la troisième chose, you draw near to God and He draws near to you. Tu te rapproches de Dieu et il se rapproche de toi. Alléluia. Amen. James chapter 4 verse 8. Jacques 4, 8. James chapter 4. Can we read it? Can we read it? James chapter 4. On peut lire Jacques chapitre 4. James chapter 4 verse 8. Jacques 4, 8. Can you read it in French? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart, ye double-minded. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hallelujah. Yeah, so it helps you to draw close to God. Ça t'aide à te rapprocher de Dieu. And God will be closer to you. Et Dieu sera plus proche de toi. Hallelujah. Amen. Amen. The four things. La quatrième chose. Your quiet time makes you read the most important book in this world. Ton temps de recueillement te fait lire le livre le plus important dans ce monde. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. There's no book like the Bible. Il n'y a aucun livre comme la Bible. There's no book like the Bible. Il n'y a aucun livre comme la Bible. Somebody said, put all the books in this world on one side. Quelqu'un a dit, mettez tous les livres de ce monde d'un côté. And put the Bible on one side. Et mettez la Bible de l'autre côté. And you cannot compare. Et vous ne pouvez pas comparer. Hallelujah. You cannot compare. Vous ne pouvez pas comparer. The Bible has been the basis and the sources for many laws. La Bible a été la base et la source de plusieurs lois. Many civilizations. Beaucoup de civilisations. Many technology. Et beaucoup de technologies. Even scientists. Même les scientifiques. Now are making reference to the Bible. Font maintenant référence à la Bible. They are not discovering some things. Ils découvrent certaines choses. That was said in the Bible long time ago. Qui a été dit dans la Bible il y a cela longtemps. Hallelujah. Yeah. Are you here? Êtes-vous là? The Bible is so deep. La Bible est si profonde. And it's so resourceful. Et elle est pleine de ressources. Hallelujah. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. When you go to your school, for example, quand tu vas à l'école, par exemple, just your school, juste ton école, they have rules. Ils ont des pièces. Oh, des règles. Rules. Ils ont des règles. You do this, don't do this. You don't do this. Fais ceci, ne fais pas ça. When you trace each rule, quand tu retraces chaque règle, you go back to the Bible. Tu vas te retrouver à la Bible. Yeah. The school may not be a Christian school. Même si l'école n'est pas une école chrétienne. The rules they make. Les règles qu'ils mettent. The basis is the Bible. La base se trouve dans la Bible. The source is the Bible. La source est dans la Bible. Hallelujah. Are you here? Yeah. Yeah. Yeah. So the most you'll be reading the most important book in this world. Donc tu vas lire le livre le plus important dans ce monde. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? The fifth thing. La cinquième chose. That happened. Qui se passe. In your quiet time. Durant ton temps de méditation, it's your personal school of the word. C'est ton école personnelle de la parole. Hallelujah. Your personal school of the word. Ton école personnelle de la parole. As you have your quiet time. Alors que c'est ton temps de recueillement. Maybe next week we'll talk about it. La semaine prochaine, nous allons parler de ça. We'll learn about the Holy Spirit. Nous allons parler du Saint-Esprit. The Holy Spirit is our teacher. Le Saint-Esprit est notre enseignant. He's the one who revealed the truth to us. Il est celui qui nous révèle la vérité. And as you have your quiet time, et alors que c'est ton temps de recueillement, he will teach you. The Bible says he will lead you into all truth. La Bible dit qu'il va te guider dans toute la vérité. Hallelujah. Amen. So you learn about the word of God. Donc tu vas apprendre au sujet you de la parole de Dieu. You learn stories in the Bible. Tu vas apprendre les histoires de you la Bible. You learn a lot of parables. Tu vas apprendre beaucoup de paraboles. Hallelujah. You learn about proverbs. Tu vas apprendre des proverbes. So your quiet time is your school of the word. Donc ton temps de recueillement, c'est ton école de la parole. Hallelujah. Amen. Yeah, you learn some scriptures. Tu vas apprendre des versets. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, most of us we don't know a lot of scriptures because we don't read the Bible. La plupart d'entre nous ne connaissons pas beaucoup de versets parce que nous ne lisons pas la Bible. Yeah. Because the more you do, you all the time you are in the Bible. Every day you go there, every day you go there, something will stick. Parce que alors que tu vas dans la Bible jour après jour, quelque chose va rester. Hallelujah. Amen. You will know something. Tu vas connaître quelque chose. Yeah. Yeah. Yeah. Now when you go to church, a lot of people are empty. Maintenant, quand tu vas à l'église, beaucoup de personnes sont vides. Empty. We don't know anything about the Bible. Ils ne connaissent rien au sujet de la Bible. God. Ils ne connaissent rien sur Dieu. But we know everything about football. We know everything about Facebook. We know everything about WhatsApp. We know everything about, you know. Mais nous connaissons tout sur le foot, sur le sur tout, sur WhatsApp et Facebook. Hallelujah. Amen. Amen. In John chapter 16, verse 12. Jean 16, 12. Are you here? Yeah, I'm finishing in 5 minutes. Je finis bientôt. Hallelujah. Your personal school of the word. Ton école personnelle de la parole. John chapter 16, verse 12 and 13. The Bible says that I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. How be it, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Hallelujah. And then he said that, and he will show you things to come. Jean 16, 12 à 13, qui dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Hallelujah. Amen. Yeah, he will teach you and will show you things to come. Il va vous enseigner et vous montrer les choses à venir. Yeah. So you see somebody who say that, oh, the Spirit of God spoke to me. Donc tu vas voir quelqu'un dire, oh, l'Esprit de Dieu m'a parlé. This we talk intense, we chat, are friends, we are Christian, but you don't hear people say that, oh, God told me. Oh, de nos jours, on parle entre chrétiens, mais on va pas entendre quelqu'un dire, Dieu m'a parlé. God told me. It's not in our conversation. Ce n'est pas dans nos conversations. Because we don't have a quiet time. Parce que nous n'avons pas de temps de recueillement. Yeah. It's time for you to talk and oh, God told me. The Spirit of God touched my heart. The Spirit of God said to me. C'est le temps de dire, oh, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. And we are going to learn how to do the quiet time. Et nous allons apprendre comment faire le temps de recueillement. And how to meditate. Et comment méditer. Hallelujah. For God to speak to us. Que Dieu nous parle. You can get up, you can speak to your friend, chat with your friends. Oh, God told me today this. Donc tu peux parler avec tes amis et dire Dieu m'a dit ça aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Yeah, and with us, God will be telling you things and just to guide you. Et avec le temps, Dieu va te dire des choses juste Hallelujah. Pour te guider. Yeah, how do God guide you? Comment est-ce que Dieu te dirige? God will not guide you if you don't read the Bible. Il ne va pas te diriger si tu ne lis pas la Bible. He will not guide you. The Holy Spirit will not guide you if you don't know the Bible. L'Esprit ne va pas te diriger si tu ne lis pas la Bible. How would the Spirit what would the Spirit use to guide you? Qu'est-ce que l'Esprit va utiliser pour te guider? Nothing. Rien. Nothing. Rien. Hallelujah. Somewhere the Bible says that the Holy Spirit will remind you. La Bible dit le Saint-Esprit va te rappeler. Remind you. Te rappeler. It's because you read it, he will remind you. Donc c'est parce que tu as lu, donc il va te le rappeler. It's because you meditate, he will remind you. C'est parce que tu as médité, il va te rappeler. Mind back. Il va amener tes pensées. When you face that problem. Quand tu vas rencontrer ce problème. He will remind you of the word. Il va te rappeler de la parole. When you face that temptation. Quand tu vas rencontrer cette tentation. He will remind you of the word. Il va te rappeler la parole. Hallelujah. Are you here? Don't have guidance. Nous n'avons pas de direction. We don't have guidance. Nous n'avons pas de direction, nothing. Rien. We are just moving. Nous avançons simplement. We are just moving because there's nothing. Parce qu'il n'y a rien. We don't have a relationship with God. On n'a pas de relation avec we Dieu. We don't read the Bible. On ne lit pas la Bible. And the Holy Spirit has nothing to guide us with. Et le Saint-Esprit n'a rien pour nous diriger. Maybe it's only Sunday word. Maybe Sunday word or something. Peut-être seulement la parole du dimanche. Yeah, which is not enough. Qui n'est pas suffisante. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? Yeah, that's why when you are giving your life to Christ, voilà quoi, quand tu donnes ta vie à Dieu, we usually say it's a personal relationship with God. On dit c'est une relation personnelle avec Dieu. Hallelujah. As you are giving your life to Christ, alors que tu donnes ta vie à Christ, you are supposed to have a personal relationship with God. Tu es censé avoir une relation personnelle avec Dieu. Hallelujah. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah, it's one-on-one with God. Un face à face avec Dieu. Because we maybe we grew up in a society where Peut-être on a grandi dans une société où where we are told to. Où nous sommes dit. We are told to. Nous sommes dit. Hallelujah. Amen. We are told that God has said. On nous dit Dieu a dit. They don't even allow us to read the Bible. On ne nous permet même pas de lire la Bible. We don't even have a Bible. On n'a même pas de Bible. Yeah. We agree up. Maybe it's not our fault. It's not your fault. Peut-être c'est pas ta faute. Hallelujah. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah. We don't have a Bible. On n'a pas de Bible. We've not been told to read the Bible. On t'a pas enseigné à lire la Bible. They read the Bible, portion of the Bible to us. On nous lit des parties de la Bible. And they give you what to pray. Et on te donne quoi prier. They give you some rules. Follow this. On te donne quelques These règles. These are the commandments. Voici les commandements. And then that's all. Et c'est tout. No. Non. This one, God wants a personal relationship with you. Et là, Dieu veut avoir une relation personnelle avec toi. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. A personal relationship. Une relation personnelle. Personal relationship. Une relation personnelle. And you learn the word. Et tu vas apprendre la During parole. During your quiet time, you increase your personal knowledge of the scripture. Durant le temps de recueillement, tu vas augmenter ta connaissance personnelle des Écritures. Hallelujah. Yeah. You increase your personal knowledge, your knowledge. Tu vas augmenter ta connaissance of the word of God. De la parole de Dieu. Naturally. Naturellement. You know the word. Tu vas connaître la parole. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Yeah. 2 Peter 3:18, the Bible says, 2 Peter 3:18, the Bible says, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Pierre 3:18 dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. Yeah, it gives you an opportunity to add. Ça te donne l'opportunité d'ajouter. Hallelujah. Amen. To add. D'ajouter. The scripture that Bishop read right now, 2 Peter 1:5. L'écriture que l'évêque a lu. Add your faith knowledge, add your knowledge virtue, add your virtue, Second Peter 1. Hallelujah. So you add, as you have your quiet time, you add knowledge. Quand tu entends une méditation, tu vas ajouter la connaissance. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? Are you here? Yeah. And the last thing that happens to you when you have your personal time, your quiet time. Et la dernière chose qui se passe quand tu entends un recueillement. You experience the presence of God. Tu expérimentes la présence de Dieu. Hallelujah. Amen. Are you here? Are you here? Do you understand what I'm saying? Vous comprenez? Yeah. That's why we sing, your presence est incomparable. Hallelujah. Amen. Voilà Are pourquoi on chante ce chant. We sing that song, but we don't understand it. On chante ce chant, mais on ne le comprend pas. Yeah, we sing it, but we don't understand. Nous chantons, mais nous ne comprenons Because we pas. Don't have a personal time with God. Parce que nous n'avons pas un temps personnel avec to Dieu. To experience the presence of God. Pour expérimenter la you présence alone de Dieu. With God. Toi seul you avec feel Dieu. That God is with there with you. Tu auras l'impression que Dieu est là avec toi. Hallelujah. Yeah. We need to go back. Nous devons retourner. Amen. Amen. Yeah. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes with God. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes avec Dieu. Sometimes 1 hour with Parfois, God. Parfois une heure avec Dieu. Just you and God. Juste toi et lui. Hallelujah. Amen. Are you here? Our life will change completely. Nos vies vont changer complètement. Our relationship with God will change completely. Nos relations avec Dieu seront différentes. Hallelujah. Mm-hmm. Our life will be transformed. Nos vies seront transformées. Yeah. Most of us, we are dry. Certainement, nous sommes secs. Very dry. Très secs. Because we don't have the presence of God. Parce que nous n'avons pas la présence de Dieu. Hallelujah. Mm-hmm. Are you here? Yeah. We need it. Nous avons besoin de we cela. We need it. Nous avons besoin de you cela. You don't need to wait for a prayer time to come and pray. Tu n'as pas besoin d'attendre un temps de prière you pour venir prier. You don't need to come to Sunday before you read your Bible. Tu n'as pas besoin de venir dimanche avant de lire ta Bible. Hallelujah. Are you here? I believe that as we learn how to do quiet time. Quoi qu'alors que nous apprenons à faire le quiet time. As we learn how to meditate. Alors que nous apprenons à méditer. It will ignite. It will ignite. Ça va inciter. It will activate. It will activate a certain desire. Ça va activer un certain désir. A certain sweet desire. Un certain doux désir. Hallelujah. Amen. To be in the presence of God. Pour être dans la présence de Dieu. The last thing that we think about is to read the Bible. La dernière chose à laquelle nous pensons, c'est lire la Bible. Yeah. Today, a lot of us haven't read that Bible. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous n'avons pas lu la Bible. Yeah. If I say, how many have you seen that? Everybody will lift that. Si je dis, combien n'ont pas lu la Bible? Vous voyez que tout le monde va lever la main. True or not true? Vrai ou faux? But we've been on WhatsApp the whole day. Mais on a été sur WhatsApp durant toute la journée. WhatsApp is a demon. WhatsApp est un démon. If you are spiritual, si tu es spirituel, you know that this thing is a demon. Tu sauras que cette chose c'est un this démon. This thing is competing with God. Cette chose se compétit contre Dieu. Hallelujah. Because it's the last thing that you look at before you sleep. Parce que c'est la dernière chose que tu regardes avant de dormir. And the first thing that you look at when you get up. Et la première chose que tu regardes quand tu te lèves. Which is contrary to Matthew 6:33. Qui est contraire à Matthieu 6:33. So it's fighting God. Donc ça se bat contre it's Dieu. It's taking away the presence of God. Ça enlève la présence de Dieu. The presence that it needs to liberate us. La présence qui peut nous libérer. The presence of God that needs to break yokes in our lives. La présence de Dieu qui va briser des liens dans nos vies. Hallelujah. Some of us we don't need to be prayed for. On n'a pas besoin qu'on prie pour nous. I feel the presence of God here now. Je sens la présence de Dieu maintenant, alors que je parle. Yeah. A lot of us we don't need somebody to pray for us. La plupart d'entre nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour prier pour nous. We don't need an anointing or something. Yeah, it's important. Yeah, we need anointing. We need to pray for and all that. C'est important qu'on prie pour nous et tout ça. Hallelujah. By your personal relationship with God. Mais ta relation personnelle avec break Dieu certain things in your va life. Briser certaines choses dans ta vie. Yeah. I feel it. If you begin it, God's presence will come. Je le ressens que si tu commences ça, la présence de Dieu va arriver. God will come. You with God. You small girl, small boy with God. Toi, petite fille, petit garçon, tu seras God là avec Dieu. You. Et Dieu va t'enseigner. God will show you. Dieu va te montrer. Hallelujah. Are you here? Are you here? Do you understand what I'm saying? It's the most important. It's important that any relationship. Et la relation la plus importante, plus qu'une autre relation. Yeah. If you don't know, I'm telling you. Si tu ne sais pas, je te le dis. Yeah. Begin to change your mind about your relationships. Commence à changer ta pensée sur tes relations. Which relationship is first? Quelle est la relation Even qui vient premier? Even marriage school. When we go to marriage school. Même quand tu vas à l'école de mariage. They will teach you. On va te dire. God is at the top. Dieu est à la tête. And before the marriage comes. Avant le mariage. Before your spouse will come. Avant ton époux. Yeah. God is at the top. Dieu est à la tête. If God is not there, the marriage is not there. Si Dieu n'est pas là, donc le mariage n'est pas là. Yeah. And they will teach you. It's a triangle. C'est un triangle. Yeah. Triangle. Do you know triangle? Est-ce que vous connaissez le triangle? The triangle, the top angle, God is at the top angle. Dieu est à la tête de l'angle. And then one spouse is here, one spouse is here. Et un partenaire de l'autre côté, des deux côtés. Hallelujah. Are you listening? I'm teaching you marriage school. Okay. One partner is here, one partner is here. Un partenaire à gauche et l'autre à droite. As the two of them. Alors que les deux. Begin to get close to God. Comment se rapprocher de Dieu. Develop a relationship with God. Développe une relation avec they Dieu. They will meet at the top. Ils vont se croiser au they sommet. Get closer. But what happens? Mais qu'est-ce qui se passe? What happens? Qu'est-ce qui se passe? You see that the two are here. Les deux sont là. One will be going seeking God. Un va chercher Dieu. And the other one is going this way. Et l'autre va de l'autre sens. Would they meet? Est-ce qu'ils vont se croiser? That's when confusion comes in marriage. Et c'est ce qui se passe dans les mariages. That's why confusion comes in relationship. Voilà pourquoi la confusion dans because les mariages. Because the two of you, instead of you seeking God, getting close to God. Parce qu'au lieu de vous rapprocher either de Dieu, one is going here, one is going to God. Où un va là-bas et l'autre and they will va never Dieu. Meet. Ils ne vont jamais se they will never get understanding. Ils ne vont pas always be fighting. Ils sont toujours en train de se chamailler. Or sometimes the two of them, the one is going here, one is also going here. Ou alors un va à gauche et l'autre va à droite aussi. Total confusion. La confusion totale. Total confusion. So if you take away the relationship with God, donc si tu enlèves la relation avec from Dieu, your life. De ta vie, you see that almost everything will not be in place. Tu verras que presque tout ne sera pas en place. Almost everything. Presque tout. Is not in place. Ne sera pas en place. Yeah, because the right place for God is there. Parce que and la... you have to be moving towards God. Are you here? Yeah. Yeah. Stand to your feet. Levez-vous. Stand to your feet. Next week, I'll teach you how to do your quiet time. La semaine prochaine, je vais vous enseigner comment avoir votre temps de méditation. Into detail. En détail. Hallelujah. Amen. And you love doing the quiet time. Tu vas aimer faire le temps you de love méditation. It. Tu vas aimer ça. You will like it. Tu vas l'aimer. Hallelujah. If you didn't like it, from now you like it. Tu n'aimais pas ça. À partir de maintenant, tu vas l'aimer. And God will speak to you. Et Dieu va te parler. God will bless you. Il va te bénir. God will break strongholds. Il va briser des forteresses. Certain demons will leave your life. Certains démons vont quitter ta vie. Because of your quiet time, your relationship with God. À cause de ton temps avec Dieu. Hallelujah. Amen. Please lift up your hands and thank God. Lève les mains et remercie Dieu. Thank God. Merci Dieu. Thank God. Merci Dieu. Thank God. Merci Dieu. Thank God. Merci Dieu. Thank God. Merci Dieu. Father, we bless you. Father, we thank you. Oh, lembro seleba, kelebro selebe, kelebro seleba, kalamabro. Ya telebro selebe, kelemabro seleba, malababa. Ah, lembro selebaba. Lord, forgive us that we've neglected our relationship with you. We replaced your relationship, our relationship with you with other things, Lord. Forgive us. Have mercy on us, Lord. Have mercy on us. Have mercy on us, Lord. We want to develop that relationship. We want to have a quiet time with you. We want to have a personal relationship. We want to increase our knowledge of the scripture. We want to read the most important book in this world, Lord. We ask for grace, Lord. We ask for grace in the name of Jesus. We thank you. We thank you. We bless you. We honor you, Lord, in the name of Jesus. Father, bless you, Lord. I pray, Lord, Father, everyone here, Lord, will go back. Our relationship with you will be most important, Lord, than anything, than our friends, than our spouses, than our beloveds, than our parents, than our teachers. Lord, our personal relationship will be the most important thing, than our pastors. Lord, our relationship with you is most important than our pastors, Lord. Father, thank you. Father, we bless you. We give you the glory. In the name of Jesus. Amen. Amen. So next week, don't stay home. Come. Hallelujah. Donc la semaine prochaine, ne reste pas à la we'll maison. Discuss. On va discuter. Via teaching service, I'll teach you. Je vais vous enseigner. Hallelujah. With practical examples. Avec des exemples pratiques. So that you can go home and do the same. Afin que vous alliez à la maison et faites la même chose. Hallelujah. Are you here? Before we sit down, avant de s'asseoir, tonight, I'll pray for those who have finished seven great principles. They finished school of new believer school. J'ai dit que j'allais prier pour ceux qui ont fini les sept grands principes et la classe de nouveaux croyants. Hallelujah. Did I say that? Do you remember? Est-ce que vous vous souvenez? I'll pray for them to receive the Holy Ghost. Je vais prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. The baptism of the Holy Spirit. Le baptême du Saint-Esprit. The Holy Spirit will baptize them tonight. Saint-Esprit va les baptiser ce soir. Hallelujah. But before we pray that, et avant de faire cela, I want to pray with you. Je vais prier avec toi. Hallelujah. Close your eyes. Ferme les yeux. If you are here, you are not born again. Si tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. You don't have that relationship with God. Tu n'as pas cette relation avec Dieu. You don't know God. Tu ne connais pas Dieu. You have a strong desire in your heart that I want to give my life to Christ. Ou tu as un fort désir dans ton cœur de donner ta vie à Dieu. Unless you are born again, la Bible dit à moins que tu ne sois né de nouveau, you cannot see the kingdom. Tu ne peux pas voir le royaume. You go to hell. Tu iras en enfer. Hell fire. Le feu de l'enfer. It's real. C'est réel. It's real. C'est réel. When you die from this world, quand tu meurs sur cette terre, and you disappear, et tu disparais, your spirit will go somewhere. Ton esprit ira quelque part. If tonight you don't know where your spirit will go to, si ce soir tu ne sais pas où ton esprit ira, you are the one I'm talking to. Tu es celui dont je parle. But tonight, after that prayer, mais ce soir, après cette prière, it will change. Ça va changer. You will know that when you die, you go to heaven. Tu sauras que quand tu meurs, you know tu iras that au if ciel. Jesus comes tomorrow, tu sauras que si Jésus vient demain, you are ready to go. Tu es prêt à partir. And tonight, I want to pray with you. Et ce soir, je vais prier you avec say, toi. Pastor, dis, pasteur, I'm far away from God. Je suis loin de Dieu. I don't have a relationship with God. Je n'ai pas de relation I avec don't Dieu. Know God, je ne connais pas Dieu. But I feel in my heart, mais je ressens dans mon cœur that I need God. Que j'ai besoin de Dieu. Pray with me. Avec moi. If you are that person, lift up your hand. Si tu es cette personne, lève ta main. I want to pray with you before we go. Je vais prier avec toi avant de partir. Lift up your hands. Lève ta main. I pray with you. Je vais prier avec toi. If you are not born again, tu n'es pas né de nouveau. You don't have a salvation. Tu n'as pas le salut. You haven't received salvation. Tu n'as pas reçu le salut. You will be lost if you don't pray. Tu seras perdu si tu ne pries pas. Yeah, and don't be shy. Et n'aie pas honte. Because the Bible says that when you are shy with before men, parce que la Bible dit si tu as honte de lui devant les hommes, in that day, en ce jour, I'll be shy. Il aura aussi honte de toi. Of you. Hallelujah. So lift up your hands and give your life to Christ. Donc lève ta main et donne ta vie à Dieu. Hey, pastor, pray with me. Je dis pasteur, prie pour moi. Pray with me. Prie pour moi. Pray with me. If your heart is beating very fast, si ton cœur bat très vite, you are the one I'm talking to. Donc tu es la personne dont je parle. The Holy Spirit is making your heart beat fast. Le Saint-Esprit fait que ton cœur bat vite. So come. Donc lift viens. Up your hands and come. Lève ta main. I'll pray with you. Je vais prier avec toi. Before we go. Avant de partir. Father, we thank you. We bless you. We give you the glory in the name of Jesus. Oh, let's begin to thank God. Remercions Dieu. Begin to thank God. Commence à remercier Dieu. And ask for the Holy Spirit. Et demande le Saint-Esprit. Ask for the Holy Spirit. Et demande le Saint-Esprit. Ask for the Holy Spirit. Demande le Saint-Esprit. The Holy Spirit is your helper. Le Saint-Esprit est ton aide. Is your helper. Ton aide. Is your guide. Ton guide. Is your comforter. Ton réconforteur. Is your friend. C'est ton ami. It's your helper. C'est ton aide. He will help you. Il va t'aider. He will help you. Il va t'aider. He will lead you. Il va te guider. He is your leader. C'est ton dirigeant. He will lead you. Il va te guider. He will help you when you are weak. Il va t'aider quand tu es faible. He will strengthen you. Il va te fortifier. To do what you cannot do naturally. À faire ce que tu ne peux pas faire naturellement. Tonight, et ce soir, pray for the Holy Spirit. Prie pour le Saint-Esprit. Invite the Holy Spirit. Invite le Saint-Esprit. If you believe, si tu crois, that God will baptize you with the Holy Spirit. Que Dieu va te baptiser avec le Saint-Esprit. Tonight you'll be baptized. Ce soir tu seras baptisé. And the sign. Et le signe. That shows that you are baptized. Qui montre que tu es baptisé. Is speaking in tongues. C'est parler en langue. Oh Lord, we thank you. We thank you. We thank you. Thank God for the Holy Spirit. Thank God for the Holy Spirit. Merci Dieu pour le Saint-Esprit. Thank God for the Holy Spirit. Merci Dieu pour le Saint-Esprit. Thank God for the Holy Spirit. Merci Dieu pour le Saint-Esprit. In the name of Jesus. Thank him. Thank him. Bless Remercie-le. Him. Bless him. Bénis-le. Bless him. Bénis-le. Bless him. Bénis-le. Oh, we bless you. We bless you. We bless you. We thank you. We thank you. We give you glory. Oh, in the name of Jesus. Vokelebro seleba. Yankele mabro selemaba wantele mama kala shambo. Yakelebro selemaba kele mambro selemama na baba. Yetele mambro selemama na baba kala mambro selemama na baba. Yekele mambro selemama kala mambro selemebele bebe kemebele bebe. Yekele mambro selemama na baba kama mama na baba kama mama na baba. Ale bro seleba kele bro seleba kala bro selemama na baba. Yekele mama le mama kala mambro selemama na baba kama mama na baba. Ale bo selebe kele bo selemama kele shambo selemama na baba. The Bible says in Isaiah. La Bible dit dans Esaïe. That he will give us a tongue, stammering tongue. Il va nous donner une langue balbutante. And you will stammer. It's like you are stammering. C'est comme si tu bégayais. Ba ba ba ba ba ba ba. You will say, you will talk like you are ba ba ba, you are stammering. Tu vas parler comme si tu bégayais. The Bible says that the Holy Spirit, God will baptize us, God will anoint us. La Bible dit que le Saint-Esprit va nous joindre. And the Holy Spirit will come upon us. Et le Saint-Esprit va descendre sur nous. And the sons and daughters will prophesy. Et les filles et les fils vont prophétiser. The young and the old. Les jeunes et les vieux. Will see visions. Vont voir des visions. And the men and the women. Et les hommes et les femmes. They will also dream dreams. Auront aussi des rêves. And tonight God is going to baptize you. Et ce soir Dieu va te baptiser. The Holy Spirit will come upon you. Le Saint-Esprit descendra sur toi. And you will begin to speak in tongues. Et tu vas commencer à parler en langue. You will begin to speak in tongues. Tu vas commencer à parler en langue. If you don't speak in tongues. Si tu ne parles pas en langue. The Holy Spirit will baptize you. Le Saint-Esprit va te baptiser. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh Father, we bless you. And I want you to believe in your heart. Je veux que tu croies dans ton cœur. And I want you to ask. If you don't pray in tongues already. Je veux que tu demandes si tu ne pries pas encore en langue. If you don't speak in tongues. Si tu ne parles pas en langue. I want you to start to speak in tongues. Je veux que tu commences à parler en langue. Just believe and speak. Juste crois et parle. The Holy Spirit right now is coming and touch you. Le Saint-Esprit vient maintenant pour te and toucher. And you feel. Et tu vas ressentir. You feel. Tu vas ressentir. That you need to say something that is not your language. Que tu as besoin de dire quelque chose qui n'est pas that ta langue. That is not French or English. Qui n'est pas l'anglais ou le français. Begin to say it. Commence à dire. It's the baptism. C'est le baptême. Of the Holy Spirit. Du Saint-Esprit. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Let me say this before we continue. Je veux dire ceci. Sit down, just for a minute. Asseyez-vous pour une minute. Hallelujah. Yeah. You know, a lot of us, we don't know a lot of things about the Holy Spirit. Vous savez, plusieurs d'entre nous ne connaissons pas les choses sur le Saint-Esprit. And a lot of things we don't understand. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. And a lot of things we believe. Il y a beaucoup de choses que nous croyons. And sometimes it can block your receiving the Holy Spirit. Et parfois ça peut bloquer, ça peut empêcher que tu reçoives le Saint-Esprit. Hallelujah. Yeah, but I want to say that the Holy Spirit is in two speaking in tongues comes it's two things. Je veux dire que le parler en langue c'est deux choses. Hallelujah. Yeah, because sometimes you believe that. Parce que parfois tu crois. You are just there. Que tu es là. Then the Holy Spirit will come. Le Saint-Esprit va venir. They will not be conscious of yourself. Et tu ne seras pas conscient de toi-même. And you will not do anything. Et tu ne vas rien faire. And you begin to speak in tongues. Et tu vas commencer à parler en langue. And begin to prophesy. Et commence à prophétiser. And all of us will shut up. Et nous tous nous allons nous taire. Then finish speaking in tongues. Et tu finis de parler en langue. And somebody will get up and interpret them. Et quelqu'un va se lever et interpréter les langues que tu as parlé. You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah, all of us, most of us, that's what we know. Parfois, la plupart d'entre nous, c'est ce que nous savons. Hallelujah. That is speaking in tongues to benefit and to edify the church. Ça, c'est parler en langue pour édifier l'église. You understand? Est-ce que vous comprenez? That one is for everyone. Ça, là, c'est pour tout le monde. Amen. Yeah. It happens in some churches, it happens. Dans certaines églises, ça arrive. Yeah. Here, it happens, but we don't allow it so much. Ici, ça arrive, mais on ne permet pas trop ça. Because sometimes people speak their mind. Parce que parfois, les gens disent leur pensée. The Holy Spirit has not said anything. Le Saint-Esprit n'a rien dit. And they'll be speaking, they'll be saying things. Et ils vont commencer à dire des choses. So here, you see that we don't allow it. Donc ici, on ne permet pas ça. Hallelujah. Amen. Yeah, because these days, people are very kind. So you see that we don't allow. Some churches, they allow. Les églises, okay. Permettent. I mean, it's not bad. Ça va, il n'y a pas de problème. Yeah, we'll be praying and somebody will just start speaking in tongues. On est en train de prier, quelqu'un va juste parler en langue. And prophesy. Et prophétiser. And somebody will stand up. Quelqu'un va se lever. And interpret. Et interpréter. Have you seen some before? Est-ce que vous avez vu ça? Okay, it's not bad. Ça va, il n'y a pas de problème. But sometimes I'm told they are personal. The Holy Spirit has not said anything. Mais parfois le Saint-Esprit n'a rien dit. So you see that here, you don't, just to explain for you to understand. Donc j'explique juste pour vous. That comprenez. One is for everyone. Ça là, c'est pour tout le monde. You understand? Yeah. For everyone. But there's a second one. Mais il y a une deuxième. Which is for you yourself alone. Qui est pour toi seul. Hallelujah. When you read 1 Corinthians, 2 Corinthians, chapter 14. Quand tu lis 2 Corinthiens 14. That when you speak in tongues, you edify yourself. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Hallelujah. That one. Ça. It also counts. Ça vient aussi. As you start to pray for the Holy Spirit. Alors que tu commences à demander le Saint-Esprit. It will come unconsciously. Ça va venir de manière inconsciente. The same way. La même manière. And you begin to speak in tongues. Just like our brother who testify on Sunday. Comme notre frère qui a témoigné le dimanche. Hallelujah. Are you here? Are you here? Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Ah. Sometimes. Parfois. It will come. You'll be conscious of yourself. Tu seras conscient de toi-même. But you will feel that something. You want to say something. Mais tu vas ressentir que tu veux dire quelque chose. Which we call a strong impression. Qu'on appelle une forte impression. In your heart that you want to say something that is not your language. Donc ton cœur que tu veux dire quelque chose qui n'est pas ta langue. And most of all, it comes like that. Et parfois, ça vient comme ça. But because we don't know, et parce que nous ne savons pas, we think that is not it. On pense que ce n'est pas ça. It's not the Holy Spirit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Hallelujah. Are you here? Yeah. So, sometimes we lay hands on you. Donc parfois, on te pose les mains. And you see that it will come. Et tu verras que ça va venir. Hallelujah. Yeah. The Holy Spirit has come. Donc le Saint-Esprit and est venu. And that one, you begin ça? To speak in tongues. You begin to say, ba-ba-ba or ma-ma-ma or something. Tu vas commencer à dire ba-ba-ba ou quelque chose. Any alphabet, any two alphabet will come. Start with. Just like a small baby. Juste comme un petit enfant. Hallelujah. And as you continue to speak that one word, et alors que tu continues à répéter cette you même begin parole, to develop, tu vas commencer à développer your language, ton langage in the Holy Spirit, dans le Saint-Esprit. Hallelujah. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? It's the same way. Most of the things, not like most, everything spiritual is natural. Everything spiritual is natural. Tout ce qui est spirituel est naturel. Are you here? Ha, so as the baby learns how to speak, donc comme l'enfant apprend à parler, it's the same way. So now that's the language you have received it. Donc c'est la même chose pour le langage. So you begin to speak it. Donc tu l'as reçu et tu commences à parler. Yeah. So if it's mama, mama, you'll be saying mama, mama, mama. Somebody will think that you are mad. Si c'est mama, mama, tu vas dire ça plusieurs fois. But et quelqu'un va penser que tu es fou. You have received it. Mais c'est ça, tu so l'as reçu. As you speak, you see that the Holy Spirit will be more, will enrich your vocabulary and your speaking in tongues. Donc alors que tu parles, le Saint-Esprit va enrichir ton vocabulaire. So you see that those who speak in tongues a lot, they have a lot of. Donc ceux qui not that they've learned it, but it comes. C'est pas qu'ils ont appris ça, mais ça va venir. Hallelujah. And that's where a lot of us will miss it. Et c'est là où plusieurs nous ratons. Hallelujah. That's why we miss it. Là où nous ratons cela. But let me say that that one, what you mais receive. Laisse-moi dire que quand tu reçois ça, and you develop it, et tu développes ça, you need to use it. Tu dois l'utiliser. Because it's now the Bible says that you speak mysteries. Parce que la Bible dit tu dis des mystères. Hallelujah. When you speak in tongues, the Bible says you speak mysteries. Tu parles en langue. Only God understands. Que tu dis des mystères, seul Dieu te comprend. Because that one is for you. Parce que ça c'est pour toi. It's between you and God. C'est entre toi et Dieu. You yourself, right, you don't even understand. Toi-même tu ne comprends sometimes pas. Sometimes you understand, but sometimes you don't understand. Parfois tu vas comprendre et d'autres fois tu Hallelujah. Vas comprendre. Hallelujah. Amen. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? I'm telling you, it's a key to receiving the Holy Spirit. Mais c'est une key to developing your speaking in tongues. Une clé pour développer ton parler en langue. Hallelujah. Yeah, and I want to say a mysteries. Je veux dire les mystères. What is mysteries? Qu'est-ce qui est mystère? Mystery is something that we don't know, we don't understand. Un mystère c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. True or not true? Vrai ou faux? Yeah. Do you know how your heart is beating and is working for you to be here? Sais-tu comment ton cœur bat et puis il fonctionne? You don't know. Tu ne sais pas. Do you know how your brain is working? Tu sais comment ton cerveau fonctionne? You don't know. Tu ne sais pas. You know how your eyes, then you are moving your eyes, then you can see. Sais-tu comment tu peux bouger les yeux et tu vas voir? You don't know. It's mysterious. C'est mystérieux. But because you are using your eyes every day, you think that it's not mysterious. Mais parce que tu utilises tes yeux tout le temps, tu penses que c'est pas mystérieux. Yeah. So as speaking, that you are speaking mysteries. Donc la Bible dit alors que tu parles en langue, tu dis des mystères. What does it mean? Because there are a lot of things mysterious that you don't know. Parce qu'il y a plusieurs choses mystérieuses que tu ne sais pas. You think that the devil is planning to kill you and come and tell you, I want to kill you tomorrow. Tu penses que le diable veut te tuer, il va même te dire, je veux te tuer demain. That is mysterious. C'est mystérieux. Hallelujah. Amen. Your enemy has planted something on the way to Aplau. Ton ennemi a... As you are going to Lomé, next week or next month, he has put something on the way. The car will have an accident on the way. Do you know it? L'ennemi a mis que je suis le chemin alors que do tu vas Lomé. Do you know that plan of the enemy? Est-ce que tu sais que il y a do ce plan-là? Do you know that plan of the enemy? Est-ce que tu connais ce plan-là? Do you know that plan of the enemy? That's mysterious. C'est mystérieux. So the things that you don't know about your life. Donc les choses que tu ne connais pas sur ta vie. As you are speaking in tongues and you are speaking mysteries. Alors que tu parles en langue et tu dis des mystères. It is taking care of those mysteries. Ça prend soin de ces mystères. Yeah. You are here. You don't have a beloved. Toi tu es là, tu n'as pas de bien-aimé. Yeah. And maybe you are looking. Peut-être tu cherches. The devil has planned a beloved for you. L'ennemi a planifié un bien-aimé pour toi. He has planned that you meet somebody who destroy your life. Et il a planifié que tu rencontres quelqu'un qui va détruire ta vie. That's mysterious. That's mysterious. C'est mystérieux. So as you pray in tongues, donc alors que tu pries you see en langue, that God will not let you meet certain people. Tu vois que Dieu ne va pas permettre que tu rencontres certaines personnes. Because when you see the person, very nice, oh. C'est quand tu vois la personne, dress well c'est très in tie like me, il s'habille bien, he's coming. Et then you are happy. Et tu es content. It's from the devil, but you don't know. Ça vient du diable, mais tu ne sais pas. Are you here? Êtes-vous là? Now you understand why you have to speak in tongues. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous devez parler en langue. Things are happening around you, but you don't know. Beaucoup de choses se passent you autour de know. Toi, mais tu ne sais pas. And as you know, we have the spiritual world and the physical world. Et il y a le monde spirituel et le monde physique. There are a lot of things that are happening in spiritual world. Beaucoup de choses se passent. A lot of things happen in the natural world. Beaucoup de choses se passent dans le domaine spirituel. That have been naturel. Planned in the spiritual realm. Tu as été planifié dans le monde spirituel. Almost everything. Let me say almost everything. Presque tout. Yeah. Almost everything that happened there. Presque tout s'est déjà like passé your prayer, là-bas. If you pray about something. Si tu pries par rapport and God chose, wants to give it to you. God has given it to you in the spiritual realm. Dieu te donne ça dans le domaine spirituel. Before it comes physically, you see. Avant que ça arrive physiquement. Are you here? Let us be spiritual people. Soyons des personnes spirituelles. And let us be Christians. Soyons des chrétiens. Christians, we believe that God is a spirit. Les chrétiens, nous croyons que Dieu and est God esprit. Is the spirit somewhere. Et Dieu est dans l'esprit quelque part. And as a Christian, we know that oh, the devil too is somewhere. Et en tant que chrétien aussi, on sait que le diable est quelque and part. And he's planning things. Et il planifie des choses. Doing things to destroy and to kill us. Et il fait des choses pour nous détruire. Hallelujah. Are you here? So our secret. Dans notre secret. To take care of those mysterious things. De prendre soin de ces choses mystérieuses. Speaking in tongues. Et parler en langue. Wow. So you must desire to speak in. Donc tu dois désirer parler en langue. Somebody who speaks in tongues. Tu dois être quelqu'un qui parle en langue. Yeah. When you begin to speak in tongues, you enter the spiritual realm. Quand tu commences à parler en langue, tu entres le domaine spirituel. Yeah. You enter there. You are doing things there. The devil. The Bible says that only God understands. La Bible dit que seul Dieu comprend. So your enemy understand what you are saying. Donc ton ennemi ne va pas comprendre. The devil doesn't know what you are saying. Le diable ne sait pas. They will just be confused. Ils seront juste confus. And then leave you. Et ils vont te laisser. Yeah. Hallelujah. Are you here? Yeah. The Bible says that you speak directly to God. La Bible dit que tu parles directement when à begin Dieu. To speak in tongues. Quand tu commences à parler en langue. Hallelujah. Are you here? Are you here? Yeah. So stand up. Donc, levez-vous. For some few minutes, we are going to quelques pray. Quelques minutes, nous allons prier. By the grace of God, we'll continue next week. On va continuer la we semaine prochaine. We pray in tongues. Bro, stelebe, kelema, bro. So begin and lift up your hands. Donc lève les mains et remercie Dieu. Thank God for the Holy Spirit. Remercie Dieu pour le Saint-Esprit. Thank God. If you don't speak in tongues, begin to ask God. Je ne parle pas en langue, commence à ask demander à Dieu. Ask the Holy Spirit to come upon you. Demande au Saint-Esprit de descendre. To give you the speaking in tongues. De te donner le parler en langue. And as you feel it, you feel in your heart. Et alors tu ressens dans ton cœur. That you should say something. Que tu dois dire quelque which chose. Which is not your language. Ce n'est pas ton langage. It's not English. It's not French. C'est pas l'anglais, c'est pas le français. Just say it. Juste dis. Just say it. Just say, begin to say it. Commence à dire. Oh, lembro, seleba, kelebro, selebe, kelebro, selebaba, kelemambro. Ye kelemambra la mama, kamamara la mama, kamamara la mama, kamamara la mama. Ye kelemambro, selemambra la mama, kamamara la mama, kamamara la mama, kamamara la mama. Ye lemambro, selemama, kalashambro, selemambra la mama. Ye kelemambro, selemambra la mama, kamamara la mama, kamamara la mama, telemambra la mama. Ekele mambro sele mama la mama kala mambro sele mama la mama ekele mama la mama kama mama la mama kama mama la mama kama mama la mama ele mama la mama kala shambro sele ma kele bro sele ma kala mambro ekele mambro sele mama la mama kala mambro sele mama la mama ekele mama la mama mantele mama la mama kama mama la mama la mama ekele mama la mama mantele mama kama mama la mama kala mama la mama ekele mambro sele mama la mama kama mama la mama la mama ah if you speak in town. Just pray in tongues. Je parle en langue, parle en langue. Just pray in tongues. Pray juste prie en langue. If you don't speak, ask God. Je ne if you don't speak, demande ask à God. Dieu. Ask God Dieu. And believe it. Demande à Dieu. Believe it. The Holy Spirit will baptize you. You feel the Holy Spirit tonight. You feel the quoi. Presence of God tonight. Over your life. And God will empower you. Et va te God will empower you with the Holy Spirit. With the power. With the anointing. Avec l'onction. Oh, lembro seleba, kelebro selebe, kelebro seleba ma kele shambo. Ah, lembra selebebe, kebebebebe, kebebe la mama. Ye kelebro kalama bro selema ma la mata la mangoro selebe. Ye kelema bro seleba kala shambra selebo kelea. Ah, lebebe, lebebe, lebebe, le kelema ma, le mama. Ye kelema bro selema ma la mama, kama ma la mama. Ele mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama. Ekele mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama. Ekele mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama. Ekele mama bro, sele mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama. Ekele mama bro, sele mama, kala mama bro, sele be. Ele mama bro, sele ba, kala mama bro, sele mama la mama. Ekele mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama. Ekele mama la mama, tele mama, kama mama la mama. Etele mambro, sele mama, kala shambro, sele mama la mama. Ah, mysteries are coming out. Mysteries are coming out. Mystère sort. Mysteries are coming out. Mystère sort. Ah, you are entering the realm of the spirit. Tu entres au domaine de l'esprit. You are entering the realm of the spirit. Tu entres au domaine de l'esprit. Ah, le bro, sele be, kele mambro, sele ma, kala bro, sele be. Ekele mambro, sele ma, kala bro, sele be, bele be be. Ekele mambro, sele ma, mala mama, kala mambro, sele ma, kala shambo. Antele bro, sele be, bele be be, kebe bele be be. Ekele mambro, mala mama, kala mambro, mala mama, kama mala mama. Ekele mambro, mala mama, kala mambro. Sele mama kala shambo, ekele mama la mama, wantele mama kala shambra, sele mama la mama, ekele mama la mama, kala mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama, ete mambro sele mama la mama, kama mama la mama, kama mama la mama, ekele mama la mama, kala mambro sele mama la mama, ekele mama la mama, wantele mama kala mambro sele mama la mama, ekele bebe bebe bebe, kebe bebe bebe, ya la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Yala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala bala. Yakala babala la baba, kaba bala la baba, kaba bala la baba, kaba bala la baba. Ekele babala la baba, kaba bala la baba, kaba bala la baba. Ele mambro sele babala la baba, kala mambro sele mama la baba. Ekele mama la baba, kala mambro sele babala la baba. Ekele mambro sele mama la baba, kala mambro sele mama la baba. Ekele mambro sele bebe bebe kebe bebe la la. Ele baba, le baba, le baba, le baba, kala mambro. Yakele bro sele ba, kala bro sele ba. Yakele mambro sele ba, kala mambro sele be. Ekele mambra sele mama kala shambro, ekele mambra la mama kala mambro sele mama, ekele bro sele bebe bebe bebe, ekele bebe bebe kebe bebe, ekele mambro sele ba, ya kala bo sele be, ekele mama sele ba, ekele mambro sele mama la mama kaba mama la mama, ekele mambra sele mama la mama kaba mama la mama. Antele bro sele baba, kele mambro sele baba la baba. Ekele mambro sele baba, kele mambro sele baba. Ekele mambro sele bebe, kebe bebe le bebe. Ekele mambra sele mama, kele mambro sele mama la baba. Ele mambro sele baba, kala mambro sele baba la baba. Ekele mambra la mama, kama mambra la baba, kama mambra la baba, kama mambra la baba. Ele mambra la mama, kama mambra la baba, kama mambra la baba. Ele mambro sele mama la baba, kama mambra la baba, kama mambra la baba. Ele mambra sele mama, kala shambro sele mama la baba. Oh, Limbro Seleba. Oh, Holy Spirit, baptize. Holy Spirit, touch the lips of the people. Ah, open their mouth. Let them speak mysteries. In the name of Jesus Christ. Oh, Kelebo. Ye Kelebo Seleba, Calabro Seleba. Ye Kelema Bro Seleba, Calabro Selebe. Ye Kelema Bro Seleba, Calabro Selebe, Kelebo. Ah, Leba, La Baba, La Baba, La Baba, La Baba. Yakala bro, sele baba, kala shambo, sele bebe. Ekele mabro, sele baba, kala mabro, sele mama la baba. Ekele mabro, sele baba, kala mabro, sele bebe bebe. Ekele mabro, sele mama la baba, kama mama la baba. Ekele mabro, sele baba, kala shambo, sele baba. Ekele mabro, sele baba, kala shambo. Ekele mabro, la baba, kala shambra, sele baba la baba. In the name of Jesus. Ekele bro, sele baba, kele shambo. Ekele mabro, sele baba, la baba, kala mamro, sele baba. Ekele mama la baba, kama mamro, sele baba. Kelebro, ekelebro, seleba, kalababro, seleba, baralababa, eleba, baralababa, kababaralababa, kababaralababa. Ah, if you don't speak in tongues, come forward. Ekelebro, seleba, kalababa, ekelebro, seleba, kalababro, seleba, ekelebro, seleba, baralababa. If you don't speak in tongues, come. Ekelebro, seleba, kalababro, seleba, baralababa. Ekele mabala la baba, kababala la baba, kababala la baba, kababala la baba. Antele bro sele baba, kele mambro sele mebele bebe. Ekele babala la baba, kababala la baba, kababala la baba. Ekele mabro sele babala la baba, kababala la baba. Antele bro sele bebe, kebebele bebe, kebebele bebe. Ekele mabala la baba, la baba, la baba, la baba, la baba, la baba, la baba. Ekele mabala la baba, kababala la baba, kababala la baba. Antele bro sele baba, kele shambo. In the name of Jesus. We offer the baptism. Holy Spirit, come upon them. Holy Spirit, come upon them. In the name of Jesus. Ikele babro, sele baba, kele babro, sele baba, baba. Antelebro celebe, celebro celebe, celebro. I celebro celebaba, celebro celebaba. Ya calabro celebaba la baba, cababara la baba, cababara la baba. Ya telebro celebebe, kebebelebebe. In the name of Jesus, Lord, baptize, baptize. Open our lips. Ah, Holy Spirit, bro, sele baba, kele shambo. I kele babro, sele baba, kele babro, sele baba, kala babro. E kele babro, sele baba, kele babro, sele bebe. E kele babro, sele baba, kama bara la baba. E kele babra la baba, kama bara la baba, kama bara la baba. E kele babro, sele bebe, kebe bebe le bebe. Oh, touch your lips. Touch your lips, touch your lips, in the name of Jesus. Ale bro sele baba, come upon her, come upon her. Ikele ma bro sele baba, kele shambro sele bebe le bebe. Ikele bro sele bebe, kebebe le bebe, kebebe le bebe. Ikele bro sele baba, kele ma bro sele baba. Ikele ma bro sele bebe, kebebe le bebe, kebebe le bebe. Ikele ma bro sele baba, kala ma bro sele baba. Ikele ma bro sele bebe, kebebe le bebe. Ikele bro sele baba, kele Alebro se le va, que le bro se le va, e que le bro se le va, que le bro se le ve, que le bro, y alebro se le bebe, que bebe le bebe, y que le bro se le bebe, que bebe le bebe, que bebe le bebe, y que le bro se le va, que le mambro se le va, y que le mambro se le va, que la mambro se le va, y que le bro se le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, le bebe, y que le bro se le bebe, que bebe le bebe, que bebe le bebe, y te le mambro se le va, que le mambro se le va, ante le bro se le bebe, que bebe le bebe, que bebe le bebe, y que le bro se le bebe, que bebe le bebe, y que le mambro se le va, le va, le va, le va, le va, y que le va, le va, le va, le va, le va, ante le bro se le va, que le mambro se le va, y que le mambro se le va, cala chambo, y que le mambro se le va, la va, alléluia. Ceux qui sont devant, levez vos mains et remerciez le Seigneur pour le Saint-Esprit. Remerciez, brossez les mamas. Remerciez le Seigneur. Oh, les mots, c'est les bas, calamabro. Allez, brossez les mamas, que les chameaux, c'est les mamas. Ah, il dit que le Saint-Esprit vient comme une rivière, brossez les mamas, que les chameaux. Ah, les brosser les mamas, les kelamam brosser les mamas, la maman. Oh, Saint-Esprit, viens brosser les mamas, descends sur eux, descends sur eux. Ah, donne-les un nouveau langage. Ah, une nouvelle langue, brosser les mamas. Une nouvelle langue céleste de l'Esprit, brosser les mamas, calamro. Ah, les brosser les mamas, que les brosser les mamas. Ah, les brosser les mamas, que les brosser les mamas, calamro. Ya telebro celebe, celebro celeba, celebro. Ya telemabro celemaba, quele sambro celemaba. Ye kelemabro celemaba, quele mabro celemaba la mama. Ye kelemabro celemaba, kalamabro celemaba la mama. Ah, vous allez recevoir le baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, descend sur eux. I kelebro celeba, kelebro. Ah, les bro celeba, kelebro celeba. Ye kelebro celeba, kelebro celeba. Ye kelebro celeba, kelebro celeba, kelebro celeba. Ya telebro celeba, kelebro celeba, kelebro. Ya kelema bro celebebe, kebebe le bebe, kebebe le bebe. I kelema bro celebaba, kelema bro celebaba. Ye kelema bro celebaba, kelema bro celebaba. Ah, le Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit, un nouveau langage, brosser les babas, ah, qui est différent de ta langue maternelle, ah, c'est un langage céleste, ah, les brosser les bébés, que bébé les bébés, tu vas sentir une impression forte, et que les ma brosser les bébés, que bébé les bébés, et que les ma brosser les bébés, que bébé les bébés, et que les ma brosser les bébés, que bébé les bébés. Et qu'elle est ma brosse et les babas, qu'elle est ma brosse et les babas, les calababos. Et qu'elle est ma brosse et les bébés, que bébé les bébés. Et qu'elle est ma brosse et les babas, qu'elle est ma brosse et les bébés, les bébés. Et qu'elle est ma brosse et les babas, les babas, les babas, les babas, les babas. Ante les mambras, c'est les babas, qu'elle est ma brosse et les babas, les babas. Et qu'elle est ma brosse et les babas, qu'elle est chambo. Oh, Seigneur, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez remercier le Seigneur? Remercier le Seigneur. Brosser les mamas, qu'elle est chambo. Oh, les brosser les mamas, la mama, kamamara la mama. Le Seigneur te donne une puissance que l'ennemi ne comprend pas, que l'ennemi ne connaît pas. Ah, un langage que tu vas utiliser pour faire des combats spirituels. Ah, les brosser les bas, que les brosser les bébés, les bas brosser les bas. Ah, les bas brosser les bas, calabrosser les bas, calabrosser les bébés, les bébés. Oh, c'est le Saint-Esprit qui baptise. Ah, les brosser les bas, manana baba, calababrosser les bas, manana baba. C'est le Saint-Esprit, mais c'est pas la force, c'est le Saint-Esprit. Ah, les brosser les bébés, que bébé, les bébés. Ante les brosser les bébés, que bébé, les bébés, que bébé, les bébés. Yé, que les mabros, c'est les mamas, que les mabros, c'est les mamas, la mama. Ante les mabros, c'est les mamas, que les mabros, c'est les mamas, la mama. Yé, que les mabras, la mama, que mamas, la mama, que mamas, la mama, que mamas, la mama. Yé, que les mabras, la mama, que mamas, la mama, que mamas, la mama. Yé, que les mabras, la mama, que mamas, la mama, que mamas, la mama, que mamas, la mama. Yé, que les mabros, c'est les babas, que les chambros, c'est les mamas, la mama. Yé, que les mabras, c'est les mamas, que la mabros, c'est les mamas, la mama. Yé, que les mabros, c'est les bébés, que bébé, les bébés, que bébé, les bébés. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Ah, les brosser les babas, qu'elle est chambo. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Ah, les brosser les babas, qu'elle est brosser les babas. Et qu'elle est ma brosser les babas, qu'elle est ma brosser les babas. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde peut lever la main? Alléluia. Et le Seigneur me dit, ceux qui sont venus devant, il me dit, si tu n'as pas encore reçu à la maison, demande, demande, dis Saint-Esprit, viens me baptiser. Si tu as le désir, c'est pas la force, si tu as le désir, parce que le Saint-Esprit ne va pas forcer, si tu as le désir et tu crois, dans ta chambre seule, il viendra. Et je sais que quelqu'un va venir témoigner que seul à la maison, le Saint-Esprit est venu et t'a baptisé. Alors tout le monde lève la main, Seigneur, nous te remercions. Merci, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, merci pour les mystères qui sont dits durant nos prières en langue. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, je prie que chacun ici utilise la langue en prière pour faire des combats. Des combats pour confondre l'ennemi, pour confondre les démons, pour créer une confusion dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, parce que personne ne comprend, c'est Dieu seul qui comprend. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous à BNP, non loin du 3 Station, en face de Sugar Hostel. Ceci tous les dimanches à 7h et les jeudis à 17h30 pour une rencontre qui va changer votre vie le meilleur. Aimez notre page Facebook Mission Internationale Jésus qui guérit à Belimpe pour plus de messages. Soyez bénis.